Scène préhistorique de Joseph Henry Books, dit Rosny Aîné. Publié dans la revue indépendante de littérature et d'art en 1888. Au déclin du quaternaire, lorsque le pôle du septentrion gravitait vers la brillante du Cygne, il y a 20 000 ans. Sur les plaines de l'Europe, le mammouth allait s'éteindre, pendant que s'achevait la migration des grands fauves vers les pays de la lumière, l'exode du renne vers les neiges arctiques. L'auroch, le russe, le cerf et l'âfe paissaient les herbes des forêts et des savanes. L'ours colossal et le grizzly avaient trépassé depuis des millénaires au fond des cavernes. Alors les races autochtones, les grands dolichocéphales, s'étendaient de la Baltique à la Méditerranée, de l'Occident à l'Orient, jusqu'aux assises de l'Asie. Troglodytes plus intimes que leurs ancêtres du solutré, mais toujours nomades, leur industrie déjà fut haute et leur art attendrissant. Esquisses tracées aux frêles burins, timide mais fidèle, c'est l'éclosion de la deuxième puissance animale, la lutte du cerveau vers la conscience des choses, sans l'immédiat des appétits. Au cyclone de l'hiatus, lorsque viendra une race plus hiératique, pour des centaines de siècles, l'art sera perdu, et il faudra même attendre notre renaissance pour retrouver des types d'industrie comme la fine aiguille à chat. Or, c'était à l'Orient méridional, dans la saison du renouveau, vers les deux tiers de la nuit. Dans la lueur cendreuse d'une grande vallée retentissaient les voix des bêtes carnivores. Un fleuve, dans les entrecoupements de silence, chantait la vie des fluides, l'euphonie des ondes. Les aunes et les peupliers répondaient en chuchotis, en harmonie intermittente. La planète Vénus, moins argentine en ses âges, s'enchâssait dans le levant. La théorie des constellations immortelles apparaissait entre les nues vagabondes, Altaïr, Vega, les chariots contournant avec lenteur la polaire du Cygne. Tandis que la vie palpitait dans les ténèbres, féroce ou peureuse, ruée aux fêtes et aux batailles de l'amour ou de la nourriture, une pensée vint s'y joindre. À la rive du fleuve, au rebord d'un roc solitaire, une silhouette sortit de la caverne des hommes. Elle se tint immobile, taciturne, attentive aussi, les yeux parfois levés vers l'étoile du levant. Quelques rêves vagues, quelques ébauches d'esthétique astrale préoccupaient le veilleur, moins rare chez ses ancêtres de l'art qu'en maintes populations historiques. Une santé heureuse palpitait dans ses veines, l'haleine nocturne charmait son visage. Il jouissait sans crainte des rumeurs et des calmes de la nature vierge dans la pleine conscience de sa force. Cependant, sous l'étoile Vénus, il transparut une lueur fine. Le boomerang de la lune s'esquissa. Des raies allèrent sur le fleuve et les arbres, parsemés d'ombres très longues. L'homme alors découpa sa forme de haut chasseur, les épaules couvertes du manteau du russe. Sa face pâle, peinte de lignes de minium, était large sous le crâne long, capace et combatif. Sa sagaie à pointe de corne appendait de guingois sa taille. Il tenait à la main droite l'énorme massue de bois de chêne. Au frôlement des rayons, la perspective entra dans une existence moins farouche. Dans les peupliers, des vibrations d'élytres blanches, des coins de paradis entr'ouverts sur la plaine, une palpitation visible des choses, une timide protestation contre les férocités de l'ombre. Les voix même décrurent. La bataille moins ardente aux profondeurs de la forêt voisine, les grands fauves repus d'amour et de sang. L'homme, las d'immobilité, marcha le long du fleuve du pas élastique d'un poursuiveur de proie. À 1500 coudées, il s'arrêta, au guet, la sagaie prête à hauteur du front. Il vint sur le bord d'un bosquet d'érables, une silhouette agile, un grand cerf élaf à 10 corps. Le chasseur hésita, mais la tribu devait être pourvue de chair en abondance, car dédaignant la poursuite, il regarda s'éloigner la bête, ses pattes grêles, sa tête projetée en arrière, tout le bel organisme de course lancé dans les lueurs rougeâtres. « L'eau, l'eau !» fit-il, non sans sympathie. Son instinct lui prédisait une approche d'ennemi fauve, quelque puissant félin en chasse, et ses vœux allaient à l'herbivore. Effectivement, une demi-minute après, un léopard surgit derrière le roc des troglodytes, lancé en foudre, en bond de guerre immense. L'homme alors apprêta la sagaie et la massue, attentif, les narines au vent, les nerfs en tumulte. Le léopard passa comme une écume sur le fleuve, effacé bientôt dans les perspectives. L'oreille délicate du chasseur perçut plusieurs minutes encore sa course sur la terre molle. « L'eau, l'eau » répéta-t-il, légèrement ému, dans une pose de défi grandiose. Des minutes coulèrent, les cornes du croissant déjà plus nettes. Des bestioles frôlaient les buissons de la rive. De grands batraciens chantaient sur les plantes fluviatiles. L'homme savoura la simple volupté de vivre devant le luxe des grandes eaux, les pleuvotements des ombres et des clairs, puis il s'éloigna de nouveau, aux écoutes, son œil accoutumé aux pénombres, épiant les embûches de la nuit. « Oi !» murmura-t-il, d'une voix interrogative et en se réfugiant dans l'ombre d'un buisson. Un bruit de galop, vague d'abord, se rapprochait, se précisait. Le cerf élaf reparut, aussi rapide mais moins précis dans sa fuite droite, en sueur, le souffle bref et trop sonore. À 50 pas, le léopard, sans lassitude, plein de grâce, déjà victorieux. L'homme s'étonnait, ennuyé de la prompte victoire du carnassier, avec une envie croissante d'intervenir, lorsque survint une péripétie redoutable. C'était là-bas, à l'orée des érables, en plein dans la lueur lunaire, une silhouette massive en qui, au profond rugissement, au bond de 20 coudées, à la lourde crinière, l'homme reconnut la bête presque souveraine, le lion. Le pauvre cerf élaf, fou d'épouvante, fit un crochet brusque et gauche, se replia, soudain se trouva sous les griffes tranchantes du léopard. Une lutte brève, farouche, le sanglot du cerf agonisant, et le léopard se tenait immobile, effaré. Le lion approchait à pas tranquille. À 30 pas, il fit halte avec un rauquement, sans se raser encore. Le léopard quaternaire, de taille haute, hésita, furieux de l'effort fait en vain, songeant à risquer la bataille. Mais la voix du dominateur, plus haute, trembla sur la vallée, sonnant l'attaque, et le léopard céda, s'enfuit sans hâte, avec un miaulement de rage et d'humiliation, la tête fléchie vers le tyran. Déjà l'autre déchirait les lafes, dévorait par large pièce cette proie volée, sans souci du vaincu qui continuait la retraite, en explorant les pénombres de ses yeux d'or émeraude. L'homme, rendu prudent par le voisinage du lion, s'abritait scrupuleusement dans sa retraite feuillue, mais sans terreur, prêt à toute aventure. Après quelques instants de dévoration furieuse, le fauve s'interrompit. Du trouble, du doute parurent dans son attitude, dans le frisson de la crinière, sa scrutation angoisseuse. Soudain, comme convaincu, il saisit l'élaf vivement, le jeta sur son épaule et se mit en course. Il avait franchi 400 coudées lorsqu'émergea presque à l'orée où naguère lui-même était apparu, une bête monstrueuse. Intermédiaire d'allure et de forme entre le tigre et le lion, mais plus colossale, souveraine des forêts et des savanes, elle symbolisa la force, là, debout, sous les lueurs vaporeuses. L'homme trembla, ému au plus profond de ses entrailles. Après une pause, sous les frênes, l'animal prit la chasse. Il alla comme le cyclone, franchissant les espaces sans effort, poursuivant le lion en fuite vers l'ouest, tandis que le léopard, arrêté, regardait la scène. Les deux silhouettes décrurent, s'évaporèrent. L'homme songea de nouveau à quitter son abri, car le léopard l'inquiétait peu, lorsque la scène se compliqua. Le lion revenait en oblique, ramené par quelque obstacle, mare ou crevasse. L'homme ricana, raillant la bête de n'avoir pas mieux calculé sa fuite. Se rencoigna, car les colossaux antagonistes arrivaient presque droit sur lui. Seulement, retardé par le détour et le poids de l'élaf, le fuyard perdait du terrain. Que faire ? Le chasseur inspecta l'ambiance. Pour atteindre quelques peupliers, il fallait bondir à 200 coudées. Et du reste, le Félis Spéléa gravissait les arbres. Quant au roc des troglodytes, c'était 10 fois cette distance. Il préféra braver l'aventure. Son hésitation fut brève. En 2 minutes, les fauves atteignaient les abords de sa retraite. Là, voyant la fuite vaine, le lion laissa crouler les laffes et attendit. Ce fut une trêve, un arrêt similaire à celui de tantôt, alors que le léopard tenait la proie. Tout autour le silence, l'heure annonciatrice, l'heure où les nocturnes vont s'endormir et les diurnes vont revivre à la lumière. Une lueur de songe, des cimes d'arbres noyées dans les laines pâles, des bandes de gramènes tremblotant de toutes leurs lancettes à la laine hésitante du couchant, et surtout le pourtour, le vague, le confus, l'embuscade de la nature faite de frontières arborescentes, de détroits, de bandes soyeuses de ciel. En haut, les veilleuses stellaires, le psaume de la vie éternelle. Sur un tertre, le Félis Spéléa, découpé sur les raies lunaires, son haut profil de dominateur, sa crinière retombant sur un pelage tavelé de panthère, son front plane et ses mâchoires proéminentes, jadis roi de l'Europe chéléenne, maintenant au déclin, réduit à des bandes étroites de territoire. Plus bas, le lion, le souffle rauque, les flancs en tumulte, sa griffe lourde posée sur les laffes, hésitant devant le colosse, comme naguère le léopard devant lui. Une phosphorescence de crainte et de colère entremêlée dans ses prunelles. Dans la pénombre, l'homme qui les contemple, déjà harmonisé au drame. Un rugissement voilé plana. Le Spéléa secoua sa crinière et commença de descendre. Le lion, en recul, les dents découvertes, lâcha la proie 2 secondes. Puis au désespoir, son orgueil fouetté, il revint avec un rugissement plus éclatant que celui de l'adversaire, remit la griffe sur les laffes. C'était l'acceptation de la lutte. Malgré sa force prodigieuse, le Spéléa ne répondit pas tout de suite. En arrêt, replié, il examinait le lion, jaugeait sa force et son agilité. L'autre, avec la fierté de sa race, se tenait debout, tête au vent. Un second rugissement de l'agresseur, une réplique retentissante du lion, et ils se trouvèrent à un seul bond de distance. « L'eau, l'eau !» chuchota l'homme. Le Spéléa franchit la distance. Sa griffe monstrueuse se leva. Elle rencontra les ongles de l'adversaire. 2 secondes, la patrousse et la patte ocellée se firent face dans la trêve finale. Puis l'attaque, un emmêlement de mâchoires et de crinières, des roquements farouches, tandis que le sang commençait de couler. D'abord, le lion plia sous l'assaut formidable. Dégagé bientôt, d'un saut transverse, il mena une attaque de flanc, et la bataille devint indécise, l'élan du Spéléa amorti. Alors la frénésie des organismes, les secousses de muscles géants, l'indécision des forces éperdues en résultante fausse, le fourmillement de crinières dans les lueurs du satellite, un déferlement de chair pareil aux palpitations d'un flot maritime, l'écume des gueules et la phosphorescence des fauves prunelles, les roquements semblables aux sanglots de tempête sur les chaînes. Enfin, d'un coup terrible, le lion fut précipité, à la choire assise en colure, et en foudre le Spéléa était sur lui, commençait de lui ouvrir le ventre. Il se débattit avec des rugissements épouvantables, il réussit à se dégager encore, les entrailles pendantes, la crinière rouge. Comprenant et l'impossibilité de la retraite et que l'autre ne lui ferait nulle grâce, il refit face sans faiblesse. Il réengagea le combat avec une furie si haute que le Spéléa ne put, durant plusieurs minutes, le ressaisir. Mais la finale approchait, une décroissance rapide des forces du vaincu. Ressaisi, recouché contre terre, arriva le supplice, l'acharnement du plus fort. Les viscères du lion arrachés, ses os rompus entre des crocs tout-puissants, sa face broyée et difforme, et les rugissements de l'agonie, répercutés à travers l'horizon, toujours plus rauque, plus débile, éteint bientôt en soupir, en râle, en tressaillement des vertèbres. Enfin une convulsion de la gueule, un sanglot lamentable, et la bête souveraine s'éteignit. D'abord, le Spéléa s'acharna sur le cadavre, sur la chair encore vibrante, dans la volupté de la vengeance et la crainte d'un retour de vie. Enfin, rassuré, il rejeta le lion d'une secousse dédaigneuse. Il rugit son triomphe et son défi au pénombre, les épaules, le thorax saignant de larges plaies. Le jour naissant, une filtration de vif argent au bas horizon, l'arc du satellite se dépolissant, se vaporisant. Le Spéléa, après avoir léché ses blessures, sentant la faim revenir, s'enfuit vers la carcasse de l'Élaf. Là, trop éloigné du repère, il chercha une retraite où il put se repaître à l'ombre. Le buisson où se cachait le chasseur, proche, attira ses prunelles. Il se mit en devoir d'y traîner la proie. Cependant, fasciné par la magnificence tragique du combat, l'homme contemplait encore le vainqueur lorsqu'il le vit se diriger sur lui. Un souffle d'épouvante charnelle, d'horripilation, passa sur son être sans qu'il perdît l'instinct de lutte et de calcul. Il songea que, après un tel combat, avide de repos et de nourriture, sans doute le Spéléa n'inquiéterait pas sa retraite. Toutefois, il n'en avait aucune certitude. Il réécoutait les légendes des vieillards, disant, au soir de veillée, la haine du grand félin contre les hommes. Rare en déchéance continue, il semblait avoir l'instinct du rôle des primates dans son extinction. Il satisfaisait sa rancune confuse chaque fois qu'il rencontrait quelque individu solitaire. Ses souvenances rôdant dans le cerveau du veilleur, il songeait lequel, en cas d'attaque, de l'abri ou de la race savane serait préférable. Si l'un amortissait l'élan de la bête, l'autre rendait plus facile le jet de la sagaie et les coups de la massue. Il n'eut pas à hésiter longuement. Déjà le Spéléa écartait les feuillages. L'homme bondit, son choix soudain décidé, sortit du buisson par la ligne praticable, à angle droit avec la trouée où allait entrer le monstre. Au froissement des branches, le Spéléa s'inquiéta, tourna autour de la bordure, et voyant surgir la silhouette humaine, il rugit. À cette menace, toute tergiversation éteinte, le chasseur leva la sagaie, les muscles souples et dociles, visa. L'arme vibra, alla droit sa route dans la gorge du félin. « Hé oh ! Hé oh ! » cria l'homme, la massue haute, brandie à deux poings. Puis il s'immobilisa, solide, beau géant humain, héros des âges de lutte, la prunelle lucide. Le Spéléa avança, se ramassant, calculant son bond. L'homme, d'une aisance merveilleuse, obliqua, laissa passer le monstre. Puis, au moment où il revenait, de biais, sa massue descendit comme un formidable marteau et des vertèbres craquèrent. Un rugissement arrêté net, la chute, l'immobilité brusque du colosse, et l'homme répéta son cri de bataille victorieux. « Hé oh ! Hé oh ! » Il continuait toutefois à se tenir sur la défensive, redoutant quelques reprises, contemplant la bête, ses grands yeux jaunes ouverts, ses griffes longues d'une demi-coudée, ses muscles géants, sa gueule béante, pleine du sang du lion et de l'élaf, tout ce miraculeux organisme de guerre, au ventre très pâle sous le pelage jaune ocellé de noir, des flancs et de la croupe, sous la ruisselante crinière brune. Mais il était bien mort, le Félis Spéléa. Il ne devait plus faire trembler les ténèbres. L'homme se sentit dans la poitrine un grand bien-être, le gonflement d'un orgueil très doux, un élargissement de personnalité, de vie, de confiance en soi qui le tint rêveur et nerveux devant les fleurs lumineuses de l'aube. Les premières fanfares écarlates s'élevèrent sur l'horizon en même temps que la brise. Les bestioles de la lumière, une à une, ouvrirent leurs prunelles. Les oiseaux préhistoriques pépièrent leur ravissement tourné vers le levant, leurs petites cornemuses enflées. Sous les brumes fines, le fleuve sembla déteint d'abord, légèrement dépoli. Puis les splendeurs de la nuit s'y plongèrent, un monde frissonnant de nuances et de formes. Les cimes des grands peupliers et les petits craméus de la savane tremblèrent de la même ardeur de vie. Déjà l'astre survenait, plus haut que la forêt lointaine. Ses raies passèrent sur la vallée, entrecoupée d'ombres d'arbres frêles et interminables. L'homme étendait les bras dans une religiosité confuse, sans culte précis, percevant la force des rayons, l'éternité du soleil, l'éphémère de sa propre personne.